Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Salut les auditorices, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la santé mentale, avec cette fois-ci Margot, que vous allez écouter tout de suite. Je mets pour cet épisode un trigger warning psychiatrisation, mention d'hallucination, d'internement psychiatrique et de maltraitance psychiatrique, notamment au début du podcast. Après on y parle beaucoup de père aidance, de plan de rétablissement, de solidarité aussi, de comment apprendre à se protéger, à se préserver et à s'autodéterminer, que des termes que nous allons explorer un peu dans tous les sens, tout au cœur de cet épisode. Je vous donne deux acronymes qu'on va utiliser durant le podcast, le RNCP, qui correspond au répertoire national des certifications professionnelles, et également le CPF, qui veut dire compte personnel de formation. En France, le compte personnel de formation est un dispositif de financement public de formation continue. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour les auditorices. Alors aujourd'hui, on reprend le cycle de podcast sur les troubles psy, la santé mentale et les neuroatypies. Et aujourd'hui, j'interview Margot dans le cadre de ce sujet qui va nous parler de santé mentale, de père aidance. Et j'en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler toute notre conversation. Bonjour Margot, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, donc je m'appelle Margot, j'ai 28 ans. Je participe à ce podcast parce que c'était une opportunité qu'on m'a proposée. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc je suis père aidant en santé mentale. Enfin ça c'est mon métier d'origine. Donc j'ai été formée à l'université pour faire ça. Ça veut dire quoi concrètement ? En fait, donc je suis porteur d'un handicap psychique. Et mon travail, c'est d'accompagner le rétablissement de personnes qui ont une difficulté, maladie ou handicap psychique. Et aujourd'hui, je développe une activité un peu plus large sur la reconnaissance des savoirs expérientiels des personnes concernées par toute situation de handicap. Ok. Est-ce que tu pourrais définir la santé mentale ? La santé mentale, c'est surtout c'est un niveau de bien-être. Qui nous permet en fait de travailler, de faire ses choix, de faire sa vie tout simplement. C'est pas la définition officielle, mais c'est simplement de se dire que on se sent bien et on est ok, en accord avec soi, pour moi. Ok. Et toi, quel rapport tu entretiens à ce sujet du coup ? J'ai entretien un rapport un peu forcé puisque suite à mon diagnostic. C'est quelque chose qui est avec moi depuis toujours, sans le savoir. Alors pendant longtemps, j'avais pas conscience de ce qu'était la santé mentale, et peut-être que parfois je l'ai même subi. Et puis le fait d'avoir un diagnostic, ça m'a permis de faire attention à ma santé mentale et d'entamer un parcours de rétablissement et de vraiment le considérer, contrairement à beaucoup de personnes qui stigmatisent la santé mentale. Ok. Et donc du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, t'as réussi à sortir un peu de cette stigmatisation ? Oui. Je dirais que ça fait assez longtemps que je suis dans cette démarche parce que moi j'étais diagnostiquée à 19 ans lors d'une bouffée délirante où donc j'ai été hospitalisée pendant un mois et assez rapidement après, un an après, moi j'ai tout de suite accepté ma situation, en fait ma maladie, et je me suis dit que c'était plutôt intéressant de changer ma vie, mes choix qui pouvaient potentiellement me rendre malade et donc de faire très attention à ma santé mentale et de la considérer. Ok. Très bien. Est-ce que tu te définirais comme une personne handicapée ? Enfin, quel type d'expression tu préférerais ? Parce que selon les personnes justement il y en a qui préfèrent l'expression porteuse de handicap, d'autres en situation de handicap. Est-ce que ça fait une différence pour toi ? Est-ce qu'il y a une expression qui te convient mieux ? Oui, je trouve que ça fait une différence. C'est déjà aux personnes de définir par elles-mêmes comment elles ont envie de s'identifier par rapport au handicap. Moi, personnellement, j'essaye de mettre à distance, en fait, ma maladie, mon handicap, en disant que je suis porteur d'un trouble bipolaire ou que je suis porteuse d'un handicap psychique. Donc, la nuance, en fait, elle va être de faire comprendre aux autres que je ne suis pas mon handicap ou que je ne suis pas ma maladie. Et les mots nous aident beaucoup pour ça. Okay. Et par rapport à ça, c'est pas toujours évident justement de faire la part des choses entre son handicap et soi et sa personnalité, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as réussi à faire? Comment tu parviens au quotidien à dissocier justement ce handicap de ta personne pour que cette étiquette entre guillemets ne te résume pas? Disons que je pense qu'il faudrait définir par exemple ce qu'est un trouble psychique déjà pour comprendre quelle est l'incidence en fait d'un handicap psychique. C'est vraiment une altération au niveau de la pensée, des émotions qui vont du coup avoir différents impacts en termes de symptômes chez les personnes. Et attends, répète-moi ta question parce que j'ai perdu le fil. Comment en fait on peut dissocier justement mettre un peu à distance l'étiquette de handicap par rapport à soi, à sa personnalité, comment au quotidien ne pas se laisser enfermer dans cette étiquette là et faire la différence entre ce qui est de l'ordre du handicap et ce qui est de l'ordre de peut-être la personne qu'on est tout simplement. Du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment sur l'handicap psychique. Donc, je parlais de symptômes juste avant. C'est-à-dire que c'est hyper important de savoir identifier, justement, quels sont les symptômes. Par exemple, moi, je sais que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie. Et le trouble qui se manifeste chez moi, parfois, ça va m'empêcher de dormir. Je vais avoir une énorme emprise mentale, c'est-à-dire que mon cerveau, il va avoir beaucoup de mal à arrêter de penser, etc. Pour autant, j'arrive à savoir quand c'est le symptôme de la maladie qui fait que ma pensée s'accélère, par exemple, et quand, en fait, tout simplement, c'est ma personnalité. Moi, j'aime pas rien faire, j'aime bien être occupée, je suis une personne assez énergique, et pour autant, je l'associe pas à ma maladie. Et je sais faire la différence entre une période où je suis actif et une période où finalement en fait je vois des choses anormales. Et ça, c'est une première clé en fait de compréhension de soi-même, c'est déjà bien comprendre les symptômes qui nous concernent en fait tout simplement. Une fois qu'on comprend bien ces symptômes qui sont du coup pas l'ordre de notre personnalité, ça permet justement de mieux se connaître et de vraiment comprendre qui on est. Parce que faut pas se leurrer, les symptômes en santé mentale, ils vont avoir une incidence sur nos comportements, nos émotions, notre pensée, et c'est parfois difficile de distinguer. Et là, il y a un outil qui est hyper intéressant, qui s'appelle l'éducation thérapeutique du patient ou la psychoéducation, qui permet justement de mieux connaître les maladies, les symptômes, et ça aide vraiment cette connaissance des maladies à prendre conscience de soi et des symptômes, et du coup de dissocier. Plus on connaît en fait ce qui nous concerne sur le volet maladie, mieux on peut comprendre qui on est vraiment. Ok, et ça vient d'où ça, comment t'as dit, psychoéducation. Psychoéducation, d'où ça vient, comment ça a été mis en place, est-ce que tu sais à peu près Alors j'ai pas les dates exactes, mais pour vous donner une idée, en fait, moi par exemple, la première fois que je suis tombée malade, c'était en 2013, et c'est aussi la période où sont apparues de nouvelles pratiques professionnelles, comme l'éducation thérapeutique du patient, et aussi la formation des médiateurs de santé pair. Les ETP, en fait, c'est quelque chose qui est encadré par l'Agence régionale de santé, donc le ministère de la Santé, afin de permettre à des patients, surtout sur des maladies chroniques souvent, peu importe, que ce soit des maladies psychiatriques, que ce soit des maladies type diabète, de donner de l'information au patient, de lui donner du pouvoir d'agir, des informations éclairées, pour que lui-même puisse se rendre compte en fait de l'emprise de la maladie et surtout de ce qu'il faut faire ou ne pas faire aussi avec ces difficultés-là. La psychoéducation peut être définie comme une intervention didactique et psychothérapeutique systématique qui vise à informer les patientes et leurs proches sur le trouble psychiatrique et à promouvoir les capacités pour y faire face. Définition trouvée sur Internet. Et quel rapport tu entretiens, toi, avec l'institution psychiatrique telle qu'elle est aujourd'hui Disons que moi, j'entretiens un rapport qui est assez ambivalent, dans le sens où j'ai subi des maltraitances psychiatriques, j'ai subi aussi, en fait, notamment une période où on m'a mis sous camisole chimique, parce que, pour situer un petit peu, moi, de ce que je connais de la psychiatrie, c'est mon suivi avec mon psychiatre que je connais depuis un moment, et puis des épisodes dans des hôpitaux psychiatriques différents sur la Gironde, où là, par exemple, moi, j'étais plutôt dans des secteurs fermés, où donc on est privé de sa liberté, etc. Moi, j'ai un recul sur ces situations, et ce que je dis souvent, c'est que à l'hôpital psychiatrique, c'est un lieu qui est censé nous soigner, mais qui aussi crée des traumatismes, et pour plusieurs raisons, on pourra peut-être en parler après, mais du coup, moi, j'entretiens un truc, je sais que j'ai peur de la psychiatrie, notamment de l'hôpital, mais absolument pas de mon psychiatre qui fait mon suivi, avec qui j'ai toute confiance, et du coup, je sais que, par exemple, si je suis malade, je vais vouloir aller à l'hôpital, mais je vais en avoir très peur. Et j'ai plein de raisons qui expliquent ça, quoi. Est-ce que tu veux développer un peu cette... Ben, je parlais de camisole chimique tout à l'heure. Par exemple, une fois, j'ai été hospitalisée pendant un mois dans un secteur fermé. Et au moment de partir, en fait, donc je prenais une molécule qui s'appelle le tertian, qui est un neuroleptique qui permet d'apaiser les pensées. Et c'est un médicament qui est souvent utilisé pour apaiser les crises maniaques. En gros, quand ça tout revient à la normale, quoi. Ça aide beaucoup. Et donc sur cette fin d'hospitalisation, donc c'est j'ai un psychiatre qui m'a enlevé ce tertian d'un coup, alors que j'en prenais 30 gouttes le matin, 30 gouttes le midi, 30 gouttes le soir. Donc ça, c'est une erreur médicale en fait, parce que n'importe quel médecin sait que le tertian, ça se réduit petit à petit et ça ne s'arrête surtout pas comme ça. Ce qui fait que bah du coup je suis remontée, je suis sortie de l'hôpital, mais j'ai refait une crise et j'étais réhospitalisée. Et à ce moment-là, ils m'ont accusée de ne pas avoir pris mon traitement, que tout c'était de ma faute, alors qu'il y avait quand même la preuve écrite, hein. Et du coup, j'ai reçu, comme punition, entre guillemets, un traitement en injection retard, qui est donc l'Abilify. Et en fait, c'est un traitement, du coup, c'est une piqûre intramusculaire. Et en fait, ça permet de diffuser le produit, le médicament, pendant un mois. Sauf que, dans mon cas, c'était beaucoup trop fort, et ça m'a privé de mes émotions pendant au moins un an. Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon père il y a pas très longtemps, chose que j'avais complètement oubliée parce que j'ai oublié beaucoup de choses de cette période parce que trop shootée par les médicaments et beaucoup de sommeil, au moins 12 heures par jour. Mon père m'a rappelé il y a pas longtemps que je lui avais demandé à quoi ça servait de vivre si j'étais privée de mes émotions. Voilà, par exemple. Et tout ça pour dire que il y a une tendance à l'hôpital psychiatrique de pas prendre contact, en tout cas avec le médecin qui vous suit, pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être manque de temps, ou en tout cas, ils sont là pour traiter une crise, et que ça leur arrive, à mon avis, de prendre des situations par le traitement, et pas par la personne, ce qui fait que moi, je me suis retrouvée dans cette situation. Ok, mais tu trouves pas que l'institution psychiatrique en elle-même, comment elle est pensée structurellement, est quelque chose qui est quand même une... penser avant tout comme une structure de pouvoir qui est enfermante et réductrice justement de notre agentivité à nous-mêmes, de notre liberté, et qui essaye de justement lisser nos comportements et de servir une forme de normalité sociale, on va dire, et que c'est qu'elle a ce rôle d'instrument de pouvoir et qu'elle est à questionner en tant que telle. Oui, moi alors je suis tout à fait d'accord avec ça parce que moi je l'ai vraiment ressenti. Par exemple, il faut savoir que quand on est en secteur fermé et que on nous hospitalise en fait sous un tiers ou sous décision du préfet, on passe devant le juge pour vérifier, donc ça s'appelle le tribunal des libertés, et on vient justement vérifier plutôt les conditions d'hospitalisation. Et là, le patient, moi j'ai eu l'occasion de dire si j'étais favorable ou défavorable en fait à la poursuite des soins. Mais en fait, c'est surtout une occasion pour discuter avec le juge de comment ça se passe à l'hôpital plutôt que de sortir, hein. Il y a beaucoup de patients qui disent « moi, je veux partir », mais qui restent, hein, parce que ils se fient surtout à l'accord du médecin. Si je parle de ça, c'est pour dire que dans tous les cas, la psychiatrie, c'est à l'image de notre société. Et là, ce sont des personnes donc qui arrivent malades, avec des comportements parfois dépressifs, des comportements parfois incohérents, parce que voilà, quand on fait une bouffée délirante, moi je sais bien de quoi je parle, hein, on peut être incohérent aux yeux des autres, et puis surtout on peut tout simplement être en mauvaise santé. Mais du coup, c'est vrai que la psychiatrie, c'est prétexte à humiliation, en tout cas pour moi. Du fait des moyens de l'hôpital aussi, parce que moi j'ai croisé aussi beaucoup de soignants qui faisaient très bien leur travail, mais malgré tout c'est un endroit où tu dois filer droit, Et donc, il y a plusieurs moyens et il y a quand même un énorme système d'oppression derrière la santé mentale et les maladies psychiques graves. Mais pour moi, en fait, c'est à l'image de toute la société. C'est typiquement quand tu travailles quelque part et que les conditions de travail sont pas idéales, tu peux avoir peur de ton responsable, par exemple, ou de ta responsable. Bah là, c'est un petit peu pareil, sauf que ça a une incidence sur ta santé, ta liberté et ta vie. Est-ce que tu peux revenir sur l'hospitalisation par un tiers, ce qu'en dit la loi, comment c'est possible justement que les tiers nous fassent hospitaliser Qui peut nous faire hospitaliser? Alors, je vais peut-être pas pouvoir parler de la loi en elle-même. Moi, je sais qu'il y a plusieurs cas de figure. Moi, je peux parler de mon expérience. Par exemple, la première fois que j'ai été hospitalisée, donc on m'a retrouvée dans la rue, il y a quelqu'un qui a appelé donc une ambulance. Ensuite, on a appelé ma mère et du coup, on a demandé à ma mère de signer. T'étais majeure ou mineure à ce moment-là? J'étais majeure. Okay. Donc, c'était hospitalisation à la demande d'un tiers. Moi, j'ai jamais été hospitalisée du fait d'une décision du tribunal ou de la police, etc. Donc, je connais pas bien ce cas de figure, mais j'ai été en hospitalisation avec des personnes dont c'était le cas, en fait, tout simplement. Mais pour autant, on était quand même logés à la même enseigne, sauf que le médecin psychiatre va pas référer, en fait, de notre situation à la même personne. Là, il va être en lien avec la famille, ou il va être en lien avec le juge, ou la personne, en tout cas, tierce, qui a décidé de t'hospitaliser, qui a signé. Voilà. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais ajouter à ce sujet, c'est que ça m'est arrivé deux ou trois fois, donc d'aller aux urgences de mon propre chef, donc d'être orientée vers une unité psychiatrique. Et en fait, parfois, on m'a mis dans une unité, notamment à Libourne, où c'est une unité un peu semi-ouverte, où du coup, c'est pas du tout calme. En tout cas, c'est pas du tout propice au fait de t'apaiser, de te calmer, ce qui fait que souvent, tu passes d'abord par ce service et ensuite on te met en unité fermée, en fait, sous contrainte. Et là, moi, là où je suis très en colère, c'est que moi, j'avais croisé notamment une médecin psychiatre à un moment qui a vu que donc ma crise ne s'arrêtait pas et qui a voulu m'hospitaliser dans ce secteur fermé et qui a menti sur les papiers en disant que j'étais pas d'accord. Et donc, je me suis retrouvée sous la contrainte de ma mère. Et en fait, moi, j'étais d'accord d'être hospitalisée, même si j'étais en crise. Mais par contre, sur les papiers, c'était pas ce qui était écrit. Et pourquoi ils font ça? Ben déjà pour se protéger eux-mêmes. Si t'arrive quoi que ce soit, ben en fait, ils se disent qu'ils ont fait le nécessaire, en tout cas. Et puis aussi pour être sûr que du coup tu sortes quand eux l'ont décidé. Parce que du coup c'est pas les mêmes conditions d'hospitalisation. Mais pour autant c'était un mensonge. Et dans tous les cas tu sors jamais de l'hôpital psychiatrique comme ça. C'est toujours sous accord du médecin. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre, à entendre, à vivre. Pour autant, moi, je connais pas tout ce qu'il y a derrière, hein, tous les rouages. Mais ça, c'est clairement des injustices, par exemple. C'est hyper injuste de se retrouver hospitalisé contre son gré quand on est favorable aux soins, qu'on demande à être là. Et ça, c'est un truc que j'oublierai jamais, en fait. Voilà. Et ça change les, quand tu dis ça change les conditions d'hospitalisation d'être hospitalisé, du coup, d'être marié et hospitalisé contre son gré, c'est qu'il y a plus de contrôle, du coup, de la part de l'institution, c'est ça? Ben, il y a le tribunal. En fait, je sais plus au bout de combien de jours d'hospitalisation. C'est pas 12 ou... Je crois que c'est ça, ouais. Je sais plus exactement, mais c'est, voilà, au bout de 12 jours d'hospitalisation, on va dire 12 comme exemple, contre ton gré, tu passes devant le tribunal. Et en fait, c'est déjà atroce. Parce que quand t'es d'accord avec les soins, que t'es là, ok, donc t'attends que ça passe, hein, parce qu'il y a beaucoup de ça. Et puis, en plus de ça, tu dois expliquer ta situation à un avocat, une avocate commis d'office, qui va ensuite plaider en ta faveur au tribunal, donc qui va plaider soit favorable ou défavorable aux soins. Et ensuite, tu te retrouves devant un juge, donc voilà, qui parle de ta situation. T'es obligé d'expliquer. C'est hyper humiliant, en fait. Je dis pas que c'est pas nécessaire, parce que moi, ça m'est arrivé, du coup, de parler de comment se passaient les hospitalisations en secteur fermé. Je sais pas si ça a amené quelque chose. Mais en tout cas, j'ai pu dire à un jeu, alors ça se passe bien, ça se passe mal. Et elle m'a remercié à la fin. Mais en fait, t'es là pour te soigner, est-ce que t'es là pour rendre service au système hospitalier, au système judiciaire? Moi, je crois pas que ce soit en tout cas le bon endroit. Après, il y a aussi des personnes qui sont là à l'hôpital pour d'autres raisons et pour qui j'imagine que le juge des libertés, c'est hyper important qu'il soit là. Donc voilà, c'est à double tranchant, ça dépend toujours de situation personnelle et ça, je tiens à le dire parce que il n'y a pas de vérité avec le fonctionnement d'une institution. Il y a beaucoup de cas par cas aussi, même si on est tous et toutes logés à la même enseigne, on vit pas les choses de la même façon. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas la bonne manière de faire comprendre à des personnes qu'elles sont là pour se soigner, pour se faire du bien, et donc aller vers un processus de rétablissement. Ok. Oui, puis même si c'est ce ou celle juge t'a remercié, ça ne veut pas dire forcément que derrière, il y a eu des changements sur l'institution en tant que telle. Non, mais par contre, ça voudrait dire que si tout le monde avait un niveau de connaissance sur comment ça se passe, par exemple une hospite contre son gré, quand tu vois le juge, etc., à quoi ça sert vraiment, et que on était tous acteurs, actrices de nos parcours de soins, déjà et de sa santé mentale pour soi-même, et qu'on a le droit de donner son avis, de dire oui, de dire non, bah peut-être que ça servirait aussi à quelque chose. Et parce que là aussi, de dire à des patients, vous devez dire si vous êtes favorable ou défavorable aux soins, on devrait aussi dire que encourager les patients à parler de l'hospitalisation dans le cadre, en fait, et de détailler. Et du coup, plus il y aurait de témoignages dans ces situations-là, plus ce sera impactant. Parce que moi, j'ai assisté à plusieurs séances, pour le coup, et je crois pas que les personnes, elles aient assez d'informations pour que ce soit utile à la société et aux personnes qui passent devant le juge des libertés. Ouais, voilà, c'est ça. Ça marche. Et donc là, on a parlé un peu de l'institution psychiatrique, mais quelles sont les alternatives auxquelles tu crois, toi, à ce système psychiatrique, justement ? Celles qui fonctionnent, en tout cas, pour toi ? Alors, je trouve qu'il y a un exemple qui est très chouette à Marseille. En fait, c'est une unité psychiatrique, c'est toujours l'hôpital, mais qui est hors les murs. C'est-à-dire que les personnes qui vont séjourner dans ce lieu, c'est une maison avec une organisation, des activités, des sorties. C'est pas du tout des personnes qui vont être enfermées dans un hôpital. Moi, de ce que j'ai pu voir, par exemple, de cette initiative, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des crises. Enfin, disons qu'on met pas là juste des personnes qui ont besoin de se reposer. Moi, par exemple, j'aurais pu être éligible, entre guillemets, à ce dispositif. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que moi, je tiens beaucoup, en fait, à l'aspect soin dans le côté santé mentale parce que le traitement peut être une vraie béquille pour aller bien, mais c'est pas une finalité en soi. Pouvoir parler avec des soignants bienveillants, bah, c'est hyper important. Mais pour autant, vu comment ça se passe actuellement, c'est parfois compliqué de se dire que ça peut être un bénéfice. Et pourtant, ça l'est. Et ça qui est triste. Et du coup, dans ce que je trouve chouette dans ce dispositif à Marseille, j'ai pas le nom là, c'est que on a vraiment essayé de penser un projet pour que les personnes puissent vraiment prendre part à leur hospitalisation. Et puis surtout, c'est hyper stigmatisant d'être à l'hôpital. Là, d'être en dehors, de pouvoir se promener dans Marseille, je le voyais dans le reportage, ils allaient à la plage, etc. Bah, c'est quand même autre chose, en fait. Mmh. C'est une vie et c'est pas être enfermé. Et ça, c'est très différent. Et après, en termes de dispositif, hors hospitalisation, il y a aussi aujourd'hui le recours au savoir expérientiel, et notamment la pérédance en santé mentale, où justement on peut avoir accès à autre chose que du soin, mais vraiment accès à des personnes qui sont rétablies, qui peuvent aider à développer des ressources qui sont personnelles pour que les personnes se saisissent de leur rétablissement. Et ça, pour moi, c'est l'avenir, en fait, parce que écouter l'expérience des personnes, ça permet en fait de faire une mise à jour de ce qui se fait aujourd'hui, de les faire évoluer par et pour les personnes concernées. Et ça, c'est une petite révolution qui a démarré il y a 10 ans, qui est loin d'être terminée. Et j'y crois beaucoup très fort que c'est en écoutant les personnes concernées qu'on pourra changer nos dispositifs d'aujourd'hui. Ok, et du coup, comment ça fonctionne pour recourir à la père aidante? Comment est-ce qu'on fait pour trouver une père aidante? Alors, il existe plein de façons de trouver, mais ça dépend beaucoup des territoires. En fait, sur chaque territoire, il y a un plan territorial de santé mentale. Donc sur les départements et la région. Et donc il y a des territoires où on est plus en avance sur le recours à la pérédance en santé mentale ou au savoir expérientiel. Par exemple sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est là où en fait moi j'ai pu faire mon diplôme de pérédant à l'université de Lyon par exemple. Ils sont très avancés sur ces questions-là. Par exemple, ils vont avoir des associations où que des équipes en fait de personnes qui sont pérédantes en santé mentale qui vont être soit mises à disposition de services hospitaliers, soit en fait on peut les contacter pour avoir un suivi individuel ou collectif, et c'est une association qui s'appelle Esper à Lyon, ça par exemple. Et ça, ce type d'asso, il y en a de plus en plus, il y en a à Grenoble, à Marseille aussi, il y en a une autre en Dordogne qui s'appelle Esper Dordogne. Sur Bordeaux, il n'y a pas de collectif encore à ma connaissance. Par contre, je sais qu'il y a des médiateurs, médiatrices de santé père qui sont en poste. Il y a une personne à Charles Perrins. Et d'ailleurs, ils recrutent une deuxième personne actuellement. Et après, il y a des services d'accompagnement en dehors qui sont pas forcément du sanitaire, où on accompagne plutôt les personnes qui ont un handicap psychique, où il y a par exemple des pères aidants ou des médiateurs de santé père. Et il en existe pas mal à Bordeaux dans une association qui s'appelle, la structure qui accueille Poppy. La case. Voilà. À la case, ça fait un moment que on a par exemple des pères aidants sur la santé mentale, sur la précarité et pour les travailleuses du sexe aussi. Ok. Et en préparant l'entretien, sur les alternatives, tu parlais également du fait que la population soit formée et informée au même titre que la santé et de prévenir plutôt que guérir. Est-ce que tu veux développer un peu cette idée? Oui, complètement. C'est-à-dire que avant de guérir, il serait bien de prévenir, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que on a une santé physique, ça a priori tout le monde le comprend, parce que si on se coupe, qu'il y a du sang, bah voilà, faut désinfecter, faut mettre un pansement. La santé mentale, en fait, c'est invisible et c'est invisibilisé. Donc moi, je crois que c'est hyper important d'informer la population au sens large dès le plus jeune âge, à prendre conscience, à connaître ce que la santé mentale, mais surtout à comprendre que la santé, c'est la santé physique et mentale, et que c'est hyper important, et aussi de pouvoir, en fait, tout simplement former les personnes, le grand public, et que c'est pas obligatoire d'être un professionnel de santé pour être enseigné sur la santé mentale. Parce que c'est faux, on a tous et toutes une santé mentale, et c'est hyper important. Et il y a un outil, bah moi bientôt je vais devenir formateur de premier secours en santé mentale. Il y a une organisation qui s'appelle Premier Secours en Santé Mentale France et qui développe justement une formation de type PSC1 sur 2 jours afin d'éduquer et de former au premier secours en santé mentale. Et ça me paraît une bonne base aussi. Déjà, pour considérer la santé mentale, se poser 2 jours sur cette question-là, alors que c'est hyper tabou et stigmatisé, bah déjà, c'est incroyable, en fait, que ça existe, même si c'est tard. Et pour le coup, il faudrait que ce soit, entre guillemets, obligatoire, quoi. Comme le PSC1 peut l'être pour certains jobs ou dans le cadre de certaines formations, bah il faut que ce soit la même chose pour la santé mentale. Ok. Et tu mentionnais également dans les projets alternatifs le projet Mood Working. Ah oui. Est-ce que tu peux en parler ? Alors oui, en fait, il y a en 2020-2021, sur un an, j'ai développé en fait un projet qui s'appelait Mood Working. Bon, c'est un nom un peu provisoire. J'avais trouvé ce nom assez rapidement parce qu'en fait, j'avais rempli une demande pour faire un DU outil pour entreprendre à l'université de Bordeaux. Sauf que j'apprends ça, il est 22h et que la deadline était le lendemain à 9h du matin. Du coup, bon, Mood Working, ça ne correspond pas vraiment, je trouve, ça reflète pas vraiment le projet. Mais c'est en fait l'idée de créer un lieu dédié au rétablissement santé mentale pour les 15-25 avec une offre de soins accessible pour les personnes qui sont suivies par le lieu, et en fait toute activité qui peut encourager le rétablissement. Et en fait vraiment l'ingrédient qui est important pour moi, c'est que ce soit avant tout un café culturel et que toute personne puisse venir, tout en sachant en fait que c'est un lieu où on parle de santé mentale et que c'est bienveillant et que c'est ok et que c'est safe, hein, tout simplement, mais que ce soit pas juste un lieu dédié à la santé mentale. En tout cas, faut pas que ça ressemble à un lieu dédié à la santé mentale, sinon on fait un énième dispositif qui peut ressembler à un hôpital de jour, et en fait, on s'en fout, c'est pas ce que les gens cherchent. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir donc ce cœur d'activité qui était le café associatif et culturel, et d'avoir la possibilité pour les personnes accompagnées là-bas de faire appel du coup à un parcours autour de la père aidance. Donc avec vraiment quelque chose de sur mesure, avec des temps collectifs, des temps individuels, et puis surtout la possibilité de faire des activités qui encouragent le rétablissement, qui nous permettent de mieux se connaître, etc. Et mon idée, c'était vraiment de cibler les 15-25 et de pas faire comme beaucoup de structures aujourd'hui qui ciblent les 18-32 ans, parce que on n'est pas pareil à 18 ans qu'à 22 ans, et encore moins à 30 ans. Et pour moi, c'est pas une bonne chose d'avoir une tranche d'âge où les problématiques vont pas être les mêmes, ils se seront pas aussi installés depuis longtemps dans le temps. Et en fait, il faut savoir que entre 15 et 25 ans, c'est vraiment dans cette tranche d'âge que les troubles se développent de façon majoritaire, et pour moi, c'est là qu'il faut agir, et en premier lieu. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ce projet a existé, existe et en cours de formation, c'est... Alors, ce projet, il existe dans ma tête. J'ai écrit pas mal de choses à ce sujet. J'ai fait une étude aussi, où j'ai interrogé pas mal de personnes. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. En fait, j'ai fait une pause parce que je travaillais pour le projet Hip-Hop. Maintenant, je le reprends un peu parce que je suis en train de monter mon activité et je l'ai mis en lumière dans mon CV. Voilà, en parlant de la recette sur le rétablissement et des bons ingrédients à avoir. Puis mon idée à travers ça, c'est que je vais bien finir par trouver quelqu'un qui trouve ça chouette et qui va le faire. Mmh. Voilà, c'est ça en fait mon idée. Okay. Et surtout que, moi je trouve le plus intéressant, c'est que j'ai trouvé en fait certainement le système qui permettrait donc à des médecins, infirmiers, psy aussi, de travailler au sein de l'espace tout en étant libéral. Parce qu'en fait, mon idée du lieu, c'est pas d'avoir un modèle économique de j'ai des personnes qui viennent, qui sont adhérentes, on fait de la prestation de service. Non, c'est que ce soit un peu le modèle d'un espace de coworking, où ce sont les personnes qui travaillent dans les locaux, qui vont payer un loyer et qui vont faire vivre le lieu. Okay. Voilà. Et là, ça permettrait en fait d'avoir des médecins psychiatres qui travaillent en libéral, et du coup de pas leur donner un salaire associatif ou de la fonction publique qui fait souvent le... Enfin, en fait, faut savoir qu'il y a quand même beaucoup moins de médecins psychiatres dans les hôpitaux, les assos, etc. parce qu'elles sont pas hyper bien rémunérées. Et du coup, là, c'était donner une vraie liberté à tout le monde aussi, entre guillemets. Voilà. Il y aurait pas de problème après d'accessibilité financière, et est-ce que tu pensais à une régulation des dépassements d'honoraires ou des choses comme ça? Oui, l'idée, ce serait quand même, de toute façon, il n'y a pas un médecin ou un praticien en santé qui vient dans un lieu comme ça sans comprendre la plus-value du lieu déjà. Et l'idée, effectivement, ce serait d'avoir des personnes conventionnées en secteur 1 et qui dépassent pas leurs honoraires, pour que toute personne qui bénéficie d'une affection longue durée n'ait jamais rien à payer quand elle va voir son médecin. Moi, c'est mon cas actuellement, c'est une vraie chance. Et vraiment, j'ai conscience aussi que, en parlant beaucoup avec mon psychiatre, c'est qu'ils ont énormément de charges. Et en fait, ils en ont encore plus qu'avant. Alors, ils gagnent bien leur vie, c'est sûr. Mais il m'a expliqué comment les charges pesaient sur leurs activités. Et en fait, il m'a aussi expliqué comment son chiffre d'affaires a évolué les 15 dernières années. Et c'est toujours à la baisse. Et en fait, voilà, il y a vraiment, on est en train de dézinguer tout notre système qui fait que tout le monde est gagnant-gagnant, entre guillemets. Et là, l'idée, c'est aussi de leur faire baisser leur charge. Et puis, comme ça, en fait, ça facilite le soin. Parce que on est dans une société capitaliste. Et en fait, c'est aussi ça qui peut être un frein aux soins. Et ça, je trouve que c'est injuste. Du coup, t'as parlé un peu pas mal de ton parcours, là. Est-ce que tu veux expliquer ce que tu faisais juste avant de lancer ton activité, en quoi ça consistait, si ça te semble pertinent? Oui. Alors là, juste avant, j'ai travaillé 2 ans pour le projet qui s'appelle Hip-Hop et qui veut développer le pouvoir d'agir des personnes concernées par une situation de handicap. Et comment ça se traduisait? Tout simplement, en fait, notre travail, c'était de dire, surtout au secteur du médico-social, c'est que les personnes en situation de handicap, elles ont des compétences. Des compétences qu'on appelle savoir expérientiel, qu'elles ont acquéries du fait du vécu du handicap, et que ça, c'est une compétence, une ressource complémentaire que les professionnels ne peuvent pas avoir. Et de ces savoirs expérientiels, on a désigné un terme pour essayer de représenter là où toutes les personnes pouvaient travailler ou apporter leurs compétences. Et donc ce terme, c'est l'intervention par les pairs, mais qui peut ça aussi s'appliquer à plein d'autres publics que les personnes concernées par le handicap, où les personnes peuvent proposer des actions de pair aidance, mais aussi des actions de formation, sensibilisation, consultance, tout ce qui va être le volet militant aussi sur la représentation et la défense des droits, mais aussi tout ce qui est expertise d'usage, la conception de biens et de services, et puis tout ce qui est élaboration et participation aux politiques publiques. Bon, concrètement, ça veut dire pas grand-chose parce que c'est pas très précis, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que y a des savoirs qu'on acquiert avec notre expérience, qu'on va pas apprendre à l'école et surtout qu'on va pas comprendre si on l'a pas vécu. Et voilà, l'idée c'était de reconnaître ça. Et donc moi j'ai recruté et inscrit en formation 38 personnes sur 3 départements pour les aider, les accompagner à poursuivre leur projet sur tous les champs que je citais juste avant en fait. Ok. Et HIPHOP, c'est l'acronyme de quoi ou... Alors HIPHOP, c'est un acronyme en anglais puisqu'à la base c'est un projet européen et ça veut dire Empowerment and Participation of Persons with Disabilities. Donc en français, ça donne renforcer le pouvoir d'agir et l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Ça claque. du coup, bon, on a déjà défini un peu la pair aidance. Après, je sais pas si tu veux faire une phrase qui la résume pour que ça soit bien clair pour les auditeuristes, ce qu'on entend et les différentes formes que ça peut prendre. Parce que, oui, c'est un terme qui peut être galvaudé et en même temps, dont tout le monde ne saisit pas forcément les enjeux. Donc, peut-être expliquer un peu. Bah, alors, la pair aidance, très simplement, c'est de l'entraide entre personnes concernées par une même situation. Donc, après, ça peut prendre plein de formes. Il y a, sur l'aspect informel, c'est par exemple, moi aujourd'hui j'exerce pas en tant que pair aidant santé mentale, mais par contre je croise souvent des personnes qui vont être concernées, avec qui on va avoir des discussions sur le rétablissement, sur l'autodétermination, etc. Mais ça c'est très informel au final. Et après sur des aspects formels, ça va être sur un groupe de parole porté par une asso, au sein d'une structure hospitalière, etc. etc. Et ça c'est pour la santé mentale. Et après la pair aidance, ça peut vraiment être au sens large pour toute situation de handicap, mais pas que le handicap aussi. Ok. Et du coup, c'est quoi les principaux défis, enjeux et défis pour faire reconnaître cette pair aidance? C'est la reconnaissance des savoirs expérientiels. En fait, il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Alors nous, on l'avait identifié, c'était une démarche qu'on avait commencé à faire avec le projet HIPHOP. C'était de faire reconnaître au RNCP, alors l'acronyme, je le connais pas, toutes les compétences que peuvent avoir des intervenants pairs. En fait, c'était de faire inscrire de manière officielle que ces compétences existent et qu'elles soient reconnues. Donc c'est un dossier qu'on dépose où il faut avoir un soutien de l'association nationale, etc. C'est souvent des écoles ou enfin en vrai tout le monde peut le faire, mais souvent c'est associé en tout cas à une école ou un cursus universitaire et ça permet d'officialiser et par exemple de dire que c'est une compétence recherchée pour un poste. Une fiche de poste, etc. Donc il y a ça qui serait, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de faire reconnaître officiellement. Après, même si c'est officiel, ce sera pas suffisant parce que ça demande vraiment un changement de mentalité, un changement de représentation et de paradigme dans les offres d'accompagnement du médico-social, mais aussi du sanitaire, parce que les professionnels, ça les questionne énormément. Ils se demandent quelle est leur place, à quoi eux ils servent, est-ce que les personnes concernées vont pas prendre leur place, qui pour moi très auto-centré, parce qu'en fait, sans personnes concernées, finalement, ils auraient pas de travail, hein. Enfin, je veux dire, il faut remettre les choses dans le bon contexte. Et du coup, le vrai intérêt, c'est de faire comprendre que ces compétences, elles sont complémentaires. Et ça, c'est hyper important, mais ça va prendre des années. Moi, j'ai vraiment conscience qu'on est vraiment au début. Et après, on est aussi dans un contexte où la France est condamnée parce qu'elle ne respecte pas les droits des personnes en situation de handicap par l'ONU et par l'Union européenne. Et donc, il y a une injonction au changement. Et donc, il y a cette injonction aussi d'identifier la pair aidance, les savoirs expérientiels, l'intervention par les pairs, comme un vrai levier pour accompagner cette transformation, en fait. Sauf que, qui dit injonction, dit obligation, en fait. Et sauf que peut-être qu'il y a plein de personnes qui veulent pas faire ça, à qui on va proposer ça, alors que c'est pas le bon moment, ou qu'elles en ont pas du tout envie, ou en tout cas, il y aura peut-être une injonction à partager ses savoirs, alors que parfois, on peut très bien avoir envie de garder sa situation pour soi. Mais ça, on sait pas encore. Après, j'ai cru comprendre que dans certains dispositifs aujourd'hui, ils veulent un peu aller vite, ils demandent qu'il y ait par exemple des intervenants pairs, des pairs aidants, mais pour autant, suivant les thématiques, il n'y a pas assez de personnes formées, ou qui veulent, en tout cas qui sont positionnées, et elles ont quand même besoin d'être formées, ces personnes, et pour autant, on oblige des structures à embaucher, à avoir, en tout cas sur leur projet, des intervenants pairs, mais ces personnes, elles n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'on va vite et qu'on fait un peu les choses à l'envers. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un peu le danger, je pense, sur cette notion-là, quoi. Okay. Et dans la préparation aussi, tu parlais de déstigmatisation et de contribuer à un changement de représentation du coup sur la pair aidance. Et alors je te cite, hein, atténuer l'autostigmatisation, encourager des parcours de rétablissement plus courts, plus singuliers, moins difficiles et moins seuls face à ces difficultés. Est-ce que tu veux développer cette idée ? Oui, en fait, oui, c'est pour le défi en fait. C'est un défi aujourd'hui de se dire que on veut, en fait, faire appel au savoir expérientiel. C'est déjà changer de représentation sur le handicap au sens large. Dans le sens où, par exemple, dans les écoles des travailleurs du travail social, typiquement, on leur apprend à partir des incapacités et pas des capacités, etc., etc. Donc, faire reconnaître les savoirs expérientiels, il y a un défi de est-ce que ça va accompagner aussi un changement de représentation qui est hyper essentiel pour qu'on en arrive à partir des capacités, des forces des personnes, et pas de leur handicap, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'encourage pas la personne à être autodéterminée, ou en tout cas, ça renforce l'autostigmatisation, tout ça. Parce que, moi, je peux te raconter une anecdote. Par exemple, quand j'ai eu mon diag de personne bipolaire, j'ai tapé bipolaire sur internet et j'ai trouvé que des horreurs, des témoignages. Oui, une personne bipolaire m'a manipulée, etc. Bon, c'était il y a 10 ans. J'ai vu que ça évoluait un peu. Mais du coup, ça, quand t'es dans un contexte où c'est mal représenté, où on t'encourage pas, en fait, à avoir un regard, on va dire, neutre sur des situations, bah du coup, il y a la stigmatisation, tu le prends en pleine face et du coup, tu vas t'auto-stigmatiser aussi. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un défi, en fait, parce que si on arrive, grâce aux personnes concernées, à changer ça, bah putain, c'est bon, c'est royal, moi, je pourrais changer de boulot, quoi, ce sera super, voilà. Ok, et alors, du coup, au début aussi, quand tu t'es présentée, t'as parlé pas mal de ce qui était important pour toi dans ce travail-là, qui était travailler, enfin, et revendiquer l'autodétermination. Est-ce que tu peux donner ta définition de l'autodétermination, justement ? Oui, bah en fait, l'autodétermination, c'est un concept qui est simple, mais que plein de personnes n'arrivent pas trop à comprendre. C'est le fait de faire ses choix, décider pour soi, sans aucune influence, en fait, extérieure, et de maîtriser tout ce qui concerne sa vie. Donc, ça comprend énormément de choses, le travail, la vie quotidienne, etc. Et en fait, moi, c'est un sujet qui est hyper important pour moi, parce que si j'ai décidé d'être pair aidant, c'est à cause de la question de l'autodétermination. Parce qu'en fait, moi, je me suis réveillée un jour sur mon parcours et je me suis dit, après être sortie de plein de situations, j'ai toujours continué à travailler, etc. Mais quand même, j'ai une vie de jeune adulte vraiment pas simple. Mais ce qui m'a sauvée, c'est ma capacité à m'autodéterminer, ma capacité à dire non. Et ma capacité à faire mes choix, aller au bout, être têtue comme pourraient dire mes parents. Mais en fait, c'est un truc, pour le coup, on parlait de personnalité symptôme. Ben ça, c'est très lié à ma personnalité. Et puis j'ai eu la chance quand même d'être assez entourée, etc. Mais c'est aussi un entourage que je suis allée chercher quand j'ai changé de vie après ma première crise, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et pourtant, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a permis de me rétablir. Et quand j'ai fait ce constat, pour moi et puis pour les autres, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être père aidant en santé mentale pour que les gens ils puissent choisir leur vie et qu'ils subissent pas leur maladie et encore moins la stigmatisation et la société, quoi. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ce sujet, il est essentiel, parce que c'est la base de tout dans une vie, mais comme toute personne, pour plein de situations. Et du coup, ce rapport à l'autodétermination, il permet de te faire confiance aussi, du coup, dans les moments où tu peux être, on va dire, dans la tourmente, pour pouvoir savoir et identifier ce dont t'as besoin, et te faire confiance malgré tout, justement, sur tes besoins. Du coup, je dirais que c'est pas tout à fait de l'autodétermination, ça. C'est vraiment le fait de se connaître et du coup d'avoir, de savoir identifier ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien, et de prendre des décisions autodéterminées par rapport à ça. En fait, moi, c'est pas mon autodétermination dans la tourmente, comme tu dis. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, je suis à l'hôpital, j'ai fait une rechute et on veut absolument me mettre une deuxième molécule pour réguler mon humeur et moi, je suis pas d'accord. Et là, je serais dans la tourmente et dans un combat pour m'autodéterminer, par exemple. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça va de pair, quoi. Je crois pas que l'autodétermination en soi, ça résout en fait tes difficultés. Par contre, ça t'aide à trouver les bonnes billes, à trouver ce qui est bon pour toi, et du coup, à identifier vraiment ce qui est en accord avec toi-même. Donc, c'est un jeu de connaissances. Et l'autodétermination qui t'aide vraiment à bien te connaître et surtout à te respecter toi-même en tant que personne, en fait. Ok. Et t'as parlé du coup pas mal de rétablissement. Comment tu définis le rétablissement, toi ? Alors, c'est un processus, avec différentes étapes. Les étapes, je les connais pas par cœur. Y en a entre 5 et 7 suivant les théories. Mais en tout cas, ça démarre par le fait d'accepter en fait sa difficulté, son trouble, sa maladie, peu importe comment on l'appelle. Et en fait, dans ce processus de rétablissement, il y a donc des prises de conscience, il y a l'acceptation et différentes étapes où on va consolider son rétablissement pour être à la fin sur une étape de rétablissement, être une personne rétablie. En fait, c'est surtout un concept qui aujourd'hui est hyper intéressant, parce que c'est ce qu'on va défendre au corps médical, c'est ce qu'on va défendre dans la société, c'est de dire que c'est pas parce qu'on a une maladie psy qu'on peut pas se rétablir et qu'on peut pas avoir une vie comme tout le monde, et de dire aux gens qui accompagnent ça, ok, en fait tout ça c'est singulier, c'est unique, et il y a pas que les médicaments qui comptent. Voilà. Je doute de moi, je doute de moi, je doute de moi. Pourtant, il n'y a pas de raison de douter. Tout le monde aime les gâteaux. Tout le monde aime les gâteaux. Tout le monde aime les gâteaux. Oh oui. Mais je doute de moi. Tu es ma meilleure amie. Est-ce que tu es vraiment ma meilleure amie? Je dois aller à la police, car j'ai des problèmes. Justement, comment, quelle piste, quelle bille tu pourrais nous donner pour défendre ses besoins face aux institutions, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités justement à s'autodéterminer. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé là-dedans? Après, ça dépend des situations. Déjà, j'aurais tendance à dire que déjà de connaître les concepts et d'en parler avec les personnes qui nous accompagnent, ça montre, entre guillemets, qu'on n'est pas en train de subir la relation. En fait, il y a un vrai truc de courage, et c'est vrai que C'est hyper difficile parfois de s'exprimer devant une personne qui est du corps médical, de poser des questions, de dire mais je comprends pas. Mais en fait, ça c'est vraiment la clé. Parce que c'est un phénomène d'autodétermination, mais du coup ça permet de moins subir, de pouvoir dire qu'on comprend ou pas, qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe, et de pouvoir communiquer, parce que souvent moi au début de mon parcours j'avais tendance à rien dire en fait. Tu sais, j'attendais que ça passe et puis on me disait oui, ça ce serait bien, on me posait des questions, etc. Mais en fait, j'étais pas du tout acteur de ce qui se passait. Ça, je pense que ça peut aider les institutions, peu importe où on va, à comprendre que les personnes, en fait, elles ont leur place dans leur parcours. Et au contraire, sans ça, ça peut pas marcher, en fait. Mais c'est difficile. Je pense pas qu'il y ait 1000 clés, mais déjà de savoir qu'on a le droit de poser des questions, ça paraît bête comme ça. Même de choisir sa molécule, si on n'est pas d'accord avec une molécule parce qu'il y a tel effet secondaire qu'on veut pas, c'est aussi des choses qu'on peut formuler, mais faut-il le savoir. Donc il faut se former tout le temps, quoi. Enfin, on est obligé d'apprendre à connaître, de développer tous ces savoirs effectivement expérientiels au fur et à mesure pour savoir quelle molécule nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas. Enfin, c'est un énorme travail. Mais parce que tu vois, moi dans mon expérience face à la psychiatrie justement, à chaque fois que j'ai essayé d'autodéterminer et de refuser certains diagnostics ou traitements, etc., j'ai été qualifiée de récalcitranteux et encore plus stigmatisée et encore plus violentée finalement par l'institution. Du coup, c'est là où aussi ça peut être une prise de risque que de parler. Et en fait, justement, le fait que j'utilise des concepts pour parler de ce que je vivais, j'étais vue comme un peu un danger qui remettait en question le tout pouvoir du psychiatre en face. Et on me disait que j'intellectualisais trop, que j'allais chercher des choses, et on était tout le temps en train de délégitimer ma parole. Et du coup, je sais pas trop comment se sortir de ça, quoi. En fait, parfois, on est face à un mur, et c'est comme ça. Et là, ce que tu décris, typiquement, ça m'étonne pas du tout. Mais du coup, c'est toute la difficulté est là, c'est que l'offre de soins, elle est pas hyper extensible aujourd'hui, et très limitée. Et que quand on est face à des situations qui sont pas urgentes, je veux dire, où on a encore le choix, entre guillemets, hein. Baisser de, quand on se prend un mur, c'est d'aller voir ailleurs et de se dire que potentiellement, on va pas se comporter comme ça avec moi la prochaine fois. Et ça, c'est très difficile parce qu'en fait, moi, j'essaye depuis le début qu'on a commencé l'enregistrement d'être sur un discours assez positif parce que il y a plein de choses qui existent, qui sont bien, des personnes, peu importe leur profession, qui sont bien, mais c'est noyé dans la masse et c'est pas toujours accessible et c'est hyper compliqué. Mais pour autant, faut vraiment essayer jusqu'au bout, ça. Surtout si on en a vraiment besoin, qu'on considère qu'on en a besoin, que c'est nécessaire pour soi, et que c'est, qu'on a besoin, quoi. Et en fait, c'est un combat. Et c'est vrai que ça résume bien, en fait, aujourd'hui. Quand on a une difficulté qui est pas de l'ordre de la psychiatrie en termes de maladie, etc., on peut très bien aller voir son généraliste, si c'est une difficulté ponctuelle, ou on peut aller voir des personnes qui vont pratiquer des thérapies, etc. Mais quand on a une maladie ou un handicap, on est obligé d'aller voir un spécialiste, en fait. Mais ça, c'est un risque et à la fois une opportunité, parce que ça reste toujours l'espoir, l'opportunité de se sentir mieux, de se sentir rétabli, de se sentir bien, et à la fois un risque d'être traumatisé ou stigmatisé. Mais pour autant, moi, par exemple, si j'avais pas de traitement aujourd'hui, je serais peut-être pas vivant, ou j'aurais une vie très dissolue, enfin, en tout cas, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, si on se prend un mur, il faut essayer d'aller chercher ailleurs, quoi. Et sur un autre registre, est-ce que toi tu fais l'expérience aussi, enfin, parce que moi c'est quelque chose dont j'ai fait pas mal d'expérience, donc ce que j'ai appelé les coming out forcés sur justement les troubles psy et neuroatypies, où justement j'avais pas envie, j'étais pas dans le cadre du soin sur ces troubles-là, que ça soit dans un cadre de soins pour autre chose ou dans un tout autre cadre social comme une recherche de travail, un nouveau taf, de nouvelles relations sociales, etc. Mais où j'ai été amenée, enfin, où en fait mes troubles sont tout le temps présents et m'obligent à devoir les expliciter toujours aux personnes et d'être dans ce processus qui est, que je trouve très épuisant, de devoir toujours parler de ça. Est-ce que c'est quelque chose dont toi tu fais l'expérience aussi, et quel rapport tu as à ça? Moi je pense que j'ai un rapport assez particulier à ça, parce que je pense que un an après mon diag, moi je l'ai dit. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai changé de vie, tu vois, je faisais des études de commerce, je suis allée faire un service civique dans une asso de mobilité, de volontariat international, enfin, j'ai fait vraiment des choses très différentes, enfin, j'ai vraiment changé de vie, quoi. Et j'ai rencontré une nouvelle personne, en fait, à qui j'ai expliqué, j'ai dit les choses. Et en fait, il y a des fois, les personnes, elles réagissent, j'allais dire mal, mais en vrai, moi, ça m'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, je crois que, moi, quand je le disais, j'expliquais ce que c'était. Genre, okay. Vraiment. Et j'ai toujours fait ça. Mais alors, quelques années après, je suis devenue père aidant, et c'est aussi une casquette qui me sauve, parce que maintenant, parler de santé mentale ou de ma propre situation vis-à-vis de la maladie et du handicap, c'est, j'ai une posture professionnelle derrière. C'est un truc que j'ai construit, je suis hyper rodée. Donc du coup, maintenant, si aujourd'hui j'ai un coming out forcé, comme tu le disais, disons que pour moi, c'est exactement comme si j'étais au travail, et que du fait de mon travail, de toute façon, je suis obligée d'en parler. Donc c'est un exercice où je suis habituée, à l'aise, mais c'est aussi un exercice où j'ai accepté que soit tu devais être dans de l'éducation, et surtout que j'ai refusé de ne pas être moi-même, de pas dire les choses, de cacher, j'ai refusé d'avoir honte. J'ai refusé de tout ça, quoi. Et alors, il y a des choses qui ont été plus difficiles à accepter, mais ça demande, ouais, c'est pas facile, mais en tout cas, moi, c'est la position que j'ai prise il y a un moment déjà. Et je le regrette pas, parce que finalement, ça m'a amené à parler de santé mentale ou de trucs avec des gens, mais tu t'y attends pas, quoi. Et c'est chouette, c'est un vrai brise-glace aussi, parfois. Puis j'imagine que parfois, tu tombes mal, mais du coup, ça permet d'être mieux entouré aussi, je pense. Ça doit être fatigant, quand même. Enfin, tu travailles là-dessus, tu vis ton diag, tu vis... tout ça, et tu en parles, t'es obligé d'en parler tout le temps, quoi. Enfin, ça doit être... Oui, c'est sûr qu'il y a des fois, ça n'a pas été simple, mais moi, j'ai été plus tôt impactée par le fait que j'accompagnais des personnes, plutôt que de parler de ma situation, finalement, parce que, moi, je sais que le fait que j'existe, que mon travail existe, ou le poste que j'ai pu occuper, c'est, en termes de valeur, pour moi, c'était incroyable, en fait, parce que je participe à un changement de regard. Et oui, ça me demande de beaucoup me mouiller, etc. Mais je pense que je l'ai fait à un moment où j'avais vraiment suffisamment de recul pour le faire. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est que là, mes 2 ans de contrat, on va dire, mon travail, c'était pas de témoigner. C'était absolument pas de parler de mon handicap psychique H24, c'était d'accompagner toute personne en situation de handicap qui a un projet autour de l'intervention par les pairs. Et du coup, tu vois, là, aujourd'hui, tu me dirais, oui, va travailler, est-ce que tu veux travailler dans une structure en tant que père aidant, accompagner 20 personnes, j'en sais rien. Bah, je sais pas si je te dirais oui. Mais c'est des choses différentes. C'est fatigant parce que on parle toujours de ça et que tu te tapes aussi les symptômes et les difficultés. Mais en même temps, c'est un choix que j'ai fait. Et demain, si je suis plus ok avec ça, je ferai un autre job. Ok. Et justement, si on rentre dans le vif de ton travail, comment est-ce que tu as participé à aider les personnes, à s'autodéterminer? Alors, il y a plusieurs choses, moi, que j'avais en ligne directrice. Déjà, c'était de donner une information éclairée à toutes les personnes. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de recruter des personnes qui travaillaient en ESAT. Donc, les ESAT, c'est des entreprises du médico-social, mais c'est des entreprises adaptées où seules des personnes en situation de handicap vont travailler, quoi. Donc, ça m'est arrivé de bosser dans des ESAT, de recruter des personnes qui travaillent. Enfin, vraiment, j'ai fait tout type de handicap, tout type de structure, etc. Et du coup, soit les structures pensaient à des personnes ou les positionnaient, du coup, je les rencontrais. Ou d'autres, elles avaient connaissance et voilà. Par contre, ce qui était important pour moi, c'est leur donner de l'information éclairée, c'est leur donner du temps. C'est leur donner déjà, par exemple, avant l'entrée en formation, j'ai fait en moyenne 2 à 5 entretiens par personne avant l'entrée en formation et plus après parfois, dans l'idée de bien préparer le projet. Parce que c'était des concepts que les gens connaissaient pas bien, ou des choses qu'ils faisaient depuis longtemps de façon informelle, mais c'est nouveau entre guillemets en France. Moi, je veux dire, c'est pas un truc. On n'est pas en train de parler de cuisine, quoi. Mmh. Donc, il faut que les gens puissent se l'approprier. Et donc, il faut leur donner cette chance-là. Et donc, du temps et de l'information éclairée. Donc, il y a ça. C'est aussi poser des questions ouvertes. C'est pas leur dire est-ce que c'est un projet. Moi, j'ai des gens qui avaient un projet bénévole ou professionnel, mais nous, on n'a jamais orienté ça. On a posé la question. C'est aussi créer de l'accessibilité, c'est-à-dire déjà bien comprendre quand tu rencontres la personne si elle a des besoins en accessibilité. Par exemple, une personne qui a eu un accident de la route, ben, lui donner une chaise vraiment confortable, parce que si elle s'assoit, en fait, elle va souffrir sur une chaise, c'est pas en bois classique. Ça, ça fait partie de l'accessibilité. C'est pas juste de la LSF ou du FALC comme les gens peuvent souvent avoir en tête. Donc la LSF, c'est la langue des signes française, et le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre, et c'est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique en langage compréhensible par tous. Il y a des choses toutes simples parfois, et c'est important de le noter. Et puis, c'est garantir l'accessibilité sur les formations, de comprendre les besoins des personnes. Et ça, c'était très important. Et du coup, de constituer des groupes où aussi tout le monde allait bien sentir. Et ça, je faisais ça. Ça s'est assez bien passé. On n'a pas eu de gros problèmes d'accessibilité. Je dis pas qu'on était hyper parfait, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Ne pas présumer, en fait, de bien reformuler ce que racontent les personnes, de bien comprendre ce qu'elles ont envie de faire, et de les encourager, leur dire qu'elles sont capables et qu'on croit en elles, en fait, et qu'on est là pour les soutenir. Ça, c'est comme ça qu'on... En tout cas, que moi, j'ai construit... c'est comme ça que j'ai accompagné les personnes, tout simplement. Ça me paraît tout simple, mais en fait, c'est pas inné d'accompagner l'autodétermination des personnes. Puisque il y a pas si longtemps que ça, j'ai témoigné de ça auprès de professionnels du médico-social qui trouvaient ça hyper innovant, alors que moi je trouve que c'est la base, mais bon. Très bien. Et quelles sont les principales difficultés du coup que tu as rencontrées? Bon, tu les as un peu évoquées, mais sinon, quelles sont justement face à ces difficultés tes petites ou grandes victoires tout au long de ton parcours, que ça soit aussi bien personnel d'abord et professionnel ensuite? Moi, je crois que ouais, une vraie victoire personnelle, je pense, c'est quand j'ai réussi à sortir d'une camisole chimique. Genre, je l'évoquais là tout à l'heure, vraiment, ça a été une vraie victoire parce que c'était un vrai combat. Il a fallu convaincre, voilà, que je pouvais pas vivre avec une camisole chimique, et j'ai réussi à le faire. Après, de manière assez large, en fait, cette année, ça va faire 10 ans que j'ai fait ma première crise et que du coup, j'ai entamé mon parcours de rétablissement. Et je suis hyper fière de moi. Je suis hyper fière de ce que j'ai fait parce qu'en fait, j'ai compté, j'ai passé 5 ans de dépression très grave et 5 ans à peu près bien, enfin bien quoi. C'est énorme en fait. Et puis quand je dis 5 ans de dépression grave, c'est au moins 3 ans au fond du lit pendant 3 ans. Pas forcément au même moment, mais cumulé, c'est ça. Et plusieurs hospices. Et je me dis que je m'en sors bien, quoi. Donc je suis fière de moi, et ça, c'est vraiment le truc positif pour moi. Après, je me serais bien évité tout ça, évidemment. Et puis, je suis hyper fière aussi d'avoir eu ce contrat dans le cadre du projet Hip-Hop, parce que ça a été un vrai tremplin pour moi, qui aujourd'hui me permet voilà de monter mon activité. Et surtout, j'ai été choisie, j'avais un job de cadre, j'ai pas un seul diplôme à part mon DU d'un an... à Lyon, enfin, en fait, ça m'a redonné de l'estime de moi, de vraiment, ça m'a vraiment aidé, et puis ça a validé en fait tout le parcours que j'ai eu d'une certaine façon. C'était une vraie reconnaissance, quoi. Et maintenant, je peux faire ce que je veux de ma vie. Tu sais, j'ai un peu entre guillemets répondu, tu vois, à ce que la société me demandait, avoir un contrat bien, arriver à quelque chose. Maintenant, tu vois, ça m'a permis de passer un truc dans ma tête et de me dire, ok, je peux penser qu'à moi, quoi. Ok. Et comment, de manière générale, tu penses, toi, qu'on peut apprendre à prendre soin les uns des autres? Bah, déjà, y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est d'écouter les personnes sans juger, sans présumer. C'est souvent, en fait, comme on a une très mauvaise connaissance de la santé mentale et des symptômes de difficultés, de maladies, enfin, peu importe, du coup, on va présumer des trucs. T'entends une personne qui va parler de sa difficulté, tu vas dire... Ah oui, mais cette personne, elle exagère, ses parents, ils l'aident beaucoup. Enfin, en fait, il y a un vrai truc autour de l'écoute, de pas projeter, pas présumer, et surtout de pouvoir alerter aussi parfois, parce que on n'a pas un guide ressource là-dessus, mais d'écouter, d'accompagner, de donner de l'information si on en a et d'alerter, c'est énorme, quoi. Et après, prendre soin, c'est aussi de la bienveillance. Et ça, je crois que tout simplement, enfin, sans rêver d'un monde de bisounours, tout le monde n'est pas bienveillant, mais c'est s'entourer de personnes bienveillantes aussi, en tout cas qu'on choisit pour parler de ça, et qui vont prendre soin de nous si nécessaire, et vice-versa, quoi. Là, t'avais parlé de... Si tu veux relire un peu ce que t'avais mis, parce que tu parles de PSSM aussi, je sais pas si tu veux... Ah oui, oui, bah c'est ça que j'évoquais, ouais. C'est les premiers secours en santé mentale, de la formation dont je parlais un peu plus tôt aussi. Ça permet d'avoir une bonne connaissance des troubles les plus fréquents en France, de se rendre compte que ça concerne un certain nombre de personnes de la population française et dans le monde. Par exemple, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la deuxième maladie la plus invalidante et de handicap, c'est le trouble bipolaire, par exemple, à l'échelle mondiale. Pour autant, on n'est pas du tout renseigné, c'est un vrai problème important à l'échelle mondiale, mais pour autant, les réactions vont être ultra stigmatisantes, alors qu'en réalité... C'est quand même un des troubles les plus répandus avec le trouble anxieux. Bon, bref, pour revenir au fait de prendre soin, les premiers secours, c'est chouette, mais c'est une formation qui est quand même payante, qui est pas encore remboursable par le CPF, mais il y a plein de ressources, en fait, sur Internet qui peuvent être intéressantes, et donc, il y a un site, hein, déjà des premiers secours en santé mentale, et grâce aux termes sur le site, bah il suffit de l'explorer un petit peu, puis d'aller chercher en fait des choses sur Internet. Moi, franchement, quand je fais des recherches sur des troubles, des choses, ou même le rétablissement santé mentale, etc., c'est très rare que je tombe sur de mauvaises informations. Voilà. Et après, je sais plus ce que j'avais écrit. Oui, donc j'ai dit qu'il fallait pas présumer, qu'il fallait bien reformuler pour comprendre. Et puis c'est accepter la difficulté des personnes. C'est déjà se rendre compte, alors là je pense par exemple aux hommes cis, se rendre compte qu'on a tous des émotions, des difficultés de santé mentale et qu'en fait ça ne fait pas de toi une personne faible. Moi je pense par exemple, et ça va être la première fois de ma vie que je le dis, mais je pense que j'ai plus de force mentale que énormément de personnes quoi. Parce que je me suis retrouvée enfermée, parce que j'ai dû être face à moi-même pour sortir de difficultés, et que si j'avais pas fait moi-même, ben personne ne l'aurait fait pour moi. Enfin, ça, voilà, quand on est concerné par ces trucs-là, on devient vraiment des personnes très fortes aussi, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'on s'allie les uns une aux autres et on s'entraide lorsque nos neuroatypies, nos troubles, notre santé mentale ne sont pas forcément compatibles en tant que membre d'une même communauté ou groupe de proches, par exemple? Ta réponse est très intéressante. Alors, je vais relire parce que je trouvais que la question serait intéressante de la renverser. Ce serait de dire, c'est quels sont les outils, les règles dont nous avons besoin afin d'être accessibles à tous. En fait, si je t'ai écrit ça, c'est de dire que en fait, c'est pas le handicap ou la neuroatypie le problème. C'est comment on s'organise. C'est par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure quand on organisait l'accessibilité des formations. On se demandait pas si ça allait être compatible ou si c'était pas possible, c'est juste on avait les besoins des personnes, on organisait la formation en fonction, etc. Donc pour moi, déjà il faut comprendre que si déjà on parle pas de difficultés ou de handicap quand on s'organise entre personnes, c'est déjà une meilleure idée. C'est quels sont les besoins du groupe justement pour que ça se passe bien pour toutes les personnes, pour tout le monde. Et donc pour moi, ça va être l'idée d'avoir des accords de groupe ou des règles, où en fait, soit il y a des personnes qui vont dire « bah moi j'aurais besoin de ça, moi je voudrais qu'on mette en place, je sais pas, bon bref, mettre en place quelque chose qui est important pour moi ». Mais c'est soit les personnes, elles peuvent le désigner ou elles peuvent l'écrire sur un papier, du coup on sait pas forcément qui c'est. Parce qu'il y a des besoins d'accessibilité, on n'a pas besoin de savoir qui est concerné. Après, il y a des besoins, par exemple, je pense à une personne qui est aveugle, bah typiquement, on a quand même besoin de le savoir, parce que s'il peut y avoir des difficultés, et puis il faut parfois toucher la personne pour lui montrer, etc. Donc là, il n'y a pas le choix. Mais disons qu'il faut renverser la situation, au lieu de dire nos neuroatypies, nos difficultés ou handicaps ne sont pas compatibles, c'est se dire... C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne ? Et après, pour moi, c'est des compétences. Bon, l'accessibilité, je crois que ça dépend vraiment des situations, donc je peux pas donner des exemples. Mais ça peut être aussi des questions d'animation. Pourquoi, moi, je pense à des réunions de conseil d'administration où on décide qu'on est en plénière, que tout le monde doit être là, etc. Mais ça prend des plombes, c'est chiant, etc. Pourquoi on travaille pas en petits groupes, soit sur le même sujet ou sur d'autres sujets ? On fait des restitutions sur des temps plus courts. Et il y a plein d'outils d'EducPop, d'animation qui peuvent faciliter l'accessibilité aussi. Et là, je pense beaucoup aux neurotypies, en fait, parce que c'est juste, ça demande un vrai effort de changer son organisation. Mais du coup, si on change son organisation, on arrête l'hypocrisie aussi, qui est de penser que tout le monde peut participer sur un format qui est pensé pour des personnes valides. C'est impossible, en fait. Et même, je rappelle que même une personne valide, sa moyenne de temps de concentration, c'est 20 minutes. Et du coup, faut se poser des questions aussi, quoi. C'est qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà. Merci beaucoup. Ouais, on arrive à la fin. Si par exemple, je pensais dans les outils qui peuvent être utiles, moi, je prône beaucoup les directives anticipées aussi. Au sein des groupes de proches, je sais pas si c'est quelque chose que toi auquel t'adhères aussi et que tu utilises toi-même avec tes proches. Oui, alors j'ai ça aussi. Mais de toute façon, moi j'adhère à tout outil qui peut aider une personne, en fait, tout simplement. Juste ça m'y fait penser, par exemple, il y a pas longtemps, on m'a demandé si j'étais favorable à la Mad Pride, par exemple. Et moi j'ai juste répondu que bon, moi je me reconnais pas forcément. Mais que pour autant, j'accepte tout à fait que d'autres personnes se reconnaissent, et tant que ça devient pas quelque chose qui pourrait être stigmatisant à mon sens, etc., ben pourquoi pas, quoi. Et donc, les directives anticipées en psychiatrie, pour moi, là, j'irais un peu au-delà de « oui, bah en fait, moi, je me reconnais pas, etc., mais ça peut aider des personnes. Là, j'irai plus loin. Je pense que ça, un jour, ça aura un caractère obligatoire. Parce que ben moi, je connais un père aidant qui a monté ça, qui est en train de diffuser ça en France, donc il s'appelle Lee Antoine. Je crois qu'il a un blog qui est hyper intéressant d'ailleurs. Et du coup, l'avantage des directives anticipées en psychiatrie, pour expliquer pour les personnes qui connaissent pas, c'est de pouvoir expliquer dans sa dans son moment de difficulté ou de crise, etc., ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien. En cas d'hospitalisation, les molécules qu'on a déjà eues, qu'on est ok, qu'on n'est pas ok d'avoir, etc. Et de façon générale, il y a aussi une question sur les directives anticipées en psychiatrie, c'est ils demandent si nous sommes des personnes, si on est une personne violente ou pas. Voilà. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve qui serait intéressant de formuler autrement sur le document entre guillemets officiel, puisque c'est pas encore reconnu dans les hôpitaux. Mais j'encourage fortement, moi je l'ai, mes parents l'ont pour moi aussi, d'ailleurs il faudrait que je le mette à jour, et c'est important. Après, je tiens à dire que ça peut être aussi très violent. Moi, l'année, il y a 2 ans ou 1 an et demi, je suis allée aux urgences de Charles Perrins parce que je prenais une molécule où j'avais des effets secondaires graves, terreur nocturne, insomnie, somnambulisme, et donc j'ai emmené mes directives anticipées parce que je savais pas si j'allais être hospitalisée, enfin je savais pas. On a refusé de lire mon papier. Et ensuite, quand j'ai fait mon rendez-vous, j'ai fini par craquer parce que, en fait, le médecin urgentiste en face de moi, tout était de ma faute. Genre, c'est impossible d'avoir des effets secondaires au bout d'un an de traitement. Enfin, rien n'a allé. Enfin, et en fait, j'étais plus triste de comment on m'avait traité que ce que je ressentais vraiment par rapport à la raison de ma venue. Bref, du coup, les directives anticipées, c'est très bien. Par contre, c'est pas encore reconnu et donc, faut s'attendre à ce qu'on soit pas toujours écouté en cas d'hospitalisation et qu'on donne ce document. Mais après, ça c'est ce qui s'est passé aux urgences. Mais est-ce que si j'étais allée dans une unité psychiatrique, j'aurais peut-être donné mon document au médecin et il m'aurait dit « Ah bah oui, très bien ». Mais ça on peut pas le savoir parce que c'est pas démocratisé. Après, il y a un autre outil qui est intéressant, c'est le plan de rétablissement. Donc il y a plein de modèles sur internet, il suffit de taper, qui permet de décrire ce qui fait du bien, pas du bien, en gros de dire comment on a envie de faire sa vie à soi. C'est vraiment l'incarnation de son auto-dé, et ça donne des pistes, déjà pour se poser des questions, je sais pas, sur son sommeil, etc., mais aussi sur comment on a envie de se rétablir, est-ce qu'on veut marcher, est-ce qu'on veut, au contraire, voyager, c'est pas juste le traitement, voilà. Okay. Oui, et moi par rapport au direct anticipé, c'est surtout quelque chose que par exemple on essaye de mettre en place dans mon groupe de proches, mais entre nous, parce qu'on sait que ce sera pas forcément pris en compte. Oui. Mais d'ailleurs on le fait aussi en cas de manif, etc., de garde à vue, quelles sont les personnes qu'on accepte que nos proches préviennent ou pas, etc. Comment est-ce qu'on veut être genré pour les personnes trans? Est-ce que face aux institutions, comment est-ce qu'on est d'accord si on pour que nos proches appellent justement les institutions psychiatriques si on fait des crises, etc. Enfin, c'est en fait être dans les moments où on est en pleine conscience et mesure de nos moyens, ouais. Dire comment on voudrait que nos proches réagissent en cas de problème, quoi. Bah alors du coup, c'est pas moi les directives anticipées, c'est vraiment un document qui est à destination des soignants. Okay. Ce que j'ai décrit, et là par contre ça ressemble au plan de crise conjoint. Okay. Ce que tu viens de décrire, où en fait t'as exactement ces éléments là que tu viens de citer, mais aussi dans le plan de rétablissement. Et aussi il y a un terme qui est important à connaître parce que c'est reconnu à l'hôpital et c'est officiel, c'est le terme de personne de confiance. C'est une personne voilà que tu désignes à l'hôpital et qui peut t'accompagner dans tes rendez-vous, qui peut appeler vraiment pour avoir des nouvelles, etc., etc. Que tu choisis même si c'est pas de ta famille. Tu peux la choisir, ouais. Ok. C'est un document à remplir. Ok. Quand t'arrives à l'unité ou ça peut être anticipé, mais bon, si t'as déjà été hospitalisé quelque part, tu peux le faire en amont, par exemple, si tu sais que potentiellement tu pourrais retourner là-bas. C'est quelque chose qui est possible. Surtout que parfois, quand on arrive en hospice, qu'on se sent pas très bien, peut-être qu'on va pas y penser, ou peut-être que on va pas être en état de signer le papier, ils vont peut-être dire ah mais non, enfin, je ne sais pas, mais tout est possible, quoi. Ça marche. Moi, j'ai fait à peu près le tour de mes questions, enfin, il me reste juste la question de la fin sur les ressources. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu veux revenir, des notions ou des anecdotes, quelque chose dont t'aurais pas parlé et que tu souhaiterais partager? Moi je souhaiterais surtout dire que aujourd'hui, il y a un vrai truc dans le champ des handicaps sur le recours au savoir expérientiel, mais c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé sur plein de publics. la protection de l'enfance, les personnes migrantes, les personnes queer, les personnes trans. Enfin, en fait, il y a juste une différence, c'est qu'aujourd'hui, on est en cours de reconnaissance des savoirs expérientiels du fait d'avoir un recours de l'intervention père ou de la père aidance dans le champ du handicap. Sauf que, concrètement, la père aidance, c'est entraide entre personnes concernées par les mêmes situations. Et en fait, les savoirs expérientiels, c'est vieux comme le monde. C'est un couple qui décide d'avoir un enfant, ou par exemple qui veulent adopter, ils vont pas aller demander à des parents qui n'ont pas adopté comment ils ont fait. Enfin, c'est hyper logique. Et en fait, le concept est hyper simple. Sauf que aujourd'hui, dans le handicap, il y a des financements qui sont en train de venir, une vraie reconnaissance. Mais moi, je suis hyper intéressée de dire là. Que ça, par exemple, pour les personnes queer, bah, ce serait bien aussi, non? Une reconnaissance, de l'argent alloué à ça et tout. Et qu'on arrête aussi de se reposer sur des mouvements bénévoles ou des collectifs, alors que dans d'autres champs, c'est financé, voire accepté. En tout cas, c'est en cours. Et donc, les savoirs expérientiels ne doivent pas être confisqués au public du handicap. Et c'est vrai que c'est le cas notamment de beaucoup d'associations communautaires trans, etc., qui de plus en plus se font une place, mais sont obligées d'aller chercher cette place justement vis-à-vis des professionnels de santé, des institutions publiques, pour être reconnues, avoir des financements et pour être reconnues dans leur expertise et leur justement leur savoir expérientiel et pouvoir travailler main dans la main avec ces institutions-là sur tout ce qui est par exemple santé des personnes trans et des personnes queer de manière générale. Ben oui, oui, complètement. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai choisi ce titre pour mon job. En fait, moi je suis agitatrice de savoir expérientiel. Voilà, c'est comme ça que je me présente aujourd'hui et j'y tiens beaucoup parce que c'est vrai que moi je suis pour l'instant sur le champ de la santé mentale et du handicap parce qu'il y a beaucoup à faire, ça me passionne et puis c'est quelque chose. Mais j'aimerais aussi beaucoup pouvoir transmettre tout ce qu'on apprend dans ce secteur sur les volets du recours au savoir expérientiel. Par exemple, là je suis en train de faire une infographie avec tous les domaines d'application. Et en fait, au lieu de faire cette infographie en parlant juste du handicap, je vais juste la laisser libre parce que j'aimerais bien que d'autres publics puissent l'utiliser ou en tout cas de dire que c'est pas confisqué par ce champ parce que c'est faux et qu'en fait, si on imagine un monde idéal, peut-être que demain, on fera plus aucune politique publique sans les personnes concernées. Peut-être qu'on prendra vraiment en compte la vie des enfants qui vont à l'école et qui, même s'ils ont 6 ans, ils ont des émotions, ils ont un cerveau, enfin, ils peuvent dire quelque chose, ce qui est vraiment pas évident parfois pour plein d'adultes. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un truc de partage populaire, comme l'éducation populaire, et de reconnaître les savoirs des personnes par le vécu. C'est juste incroyable, en fait. Et j'espère vraiment que demain, ça fera partie de toute décision. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, tu as des ressources qui t'ont aidé personnellement sur le sujet que tu pourrais recommander aux auditorices? Alors, moi, je vais donner des ressources que j'ai pas lues. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de trucs de mes cours universitaires, etc. Mais pour me poser sur la santé mentale et lire des bouquins théoriques, en fait, ça me gonfle un peu. Même des BD, ouais, mais en fait, je connais deux trucs qu'on m'a recommandé, mais j'ai pas lu parce que je pense que pour le coup, tu parlais de, c'était compliqué de tout le temps parler de santé mentale, c'est mon taf, etc. Mais je crois que quand je lis un bouquin, j'ai pas envie de lire là-dessus. Ou une BD, peu importe. Je pense que c'est une barrière psychologique, peut-être qui changera un jour. Mais après, j'ai connaissance d'un livre qui est très bien sur le rétablissement, que j'ai feuilleté quand même. C'est Les Voies du rétablissement. C'est des témoignages, des outils de personnes rétablies sur différents champs de la santé mentale, qui est hyper intéressant. Voilà. Il y a plein de livres intéressants sur le rétablissement, etc. Mais je les ai pas lus vraiment, en tout cas je les connais pas de tête. Il y a une BD qui s'appelle Goupilophas aussi sur la cyclothymie qui est bien. Voilà, parce que ça aborde vraiment une branche récente, entre guillemets, du trouble bipolaire. En tout cas, la branche la moins connue, bien que les autres le soient pas tant, mais quand même c'est important à noter. Et puis je pensais aussi la citer, c'est Eve Gardien, c'est une chercheuse qui travaille sur les savoirs expérientiels dits rares. Parce qu'en fait, quand je dis savoir expérientiel, c'est pas tout à fait juste. C'est pour me faire comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'elle considère comme un savoir expérientiel qui est intéressant à transmettre, c'est quelque chose qui est rare. Ça va pas être, par exemple, la parentalité. parce que ça, il y a des millions de personnes qui sont concernées. Du coup, c'est pas un savoir qui est rare, c'est un savoir accessible, en fait. Alors que sur le rétablissement ou à la transidentité, c'est un savoir qui est rare, en fait. Ouais. Et du coup, le diffuser, c'est important. Donc, elle a fait plein de... Enfin, c'est son sujet. Elle a accompagné la démarche hip-hop en tant que conseillère scientifique. Et c'est un peu la référence en France sur le recours au savoir expérientiel. Ok, donc c'est plutôt des articles là. Il y a des articles, il y a des livres aussi. Okay. Et c'est très centré quand même sur le santé mentale handicap, je crois. Mais après, j'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Okay. Et voilà. Et après, il y a aussi un site que j'aime bien, que j'avais envie de partager quand même. C'est Zinzinzine. Il y en a un autre aussi. Bon, c'est des sites bon plutôt anti-psy, mais il y a vraiment tout, il y a plein de ressources sur rétablissement, l'auto-D, il y a aussi plein de documents. Sur Info Kiosque aussi. Ouais, Info Kiosque, tout ça, sur le plan de rétablissement, plan de crise conjoint, etc., etc. Et en vrai, c'est assez agréable à regarder, enfin, tu t'y perds vite. Ouais, j'adore aussi. Voilà, c'est un peu plus sympa que, je sais pas... Il y a un autre site sur la santé mentale, putain, Soyez Réhab ou je sais plus. Bon, le discours est pas le même, c'est un peu moins fun, quoi. Ok. Voilà. Bon ben merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'était un exercice et c'était chouette. Ouais, merci, c'était super intéressant. À plus. À bientôt. So like September, I fall down below. Now I know that the medicine be on call. Yeah, was feeling like you hot enough to melt. Yeah, can't trust no one, can't even trust yourself. Yeah, I love you, I don't love nobody else. Yeah, tell them they can take that bullshit elsewhere. Self care, I'm treating me right. Yeah, hell yeah, we gonna be. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et plu. J'en retire beaucoup de choses, notamment dans les pistes que donne Margot sur la compréhension entre ce qui relève de nos symptômes et non pas de l'ordre de notre personnalité et vice-versa. Sur l'importance de savoir par les personnes concernées aussi. Et toute la notion de travail aussi qu'on fournit constamment. De travail sur soi, pour les autres, pour père aider, pour... s'adapter en toujours à un système qui est inadapté pour nous et pensé pour les valides. Un véritable sens de travail qui exploite aussi nos savoirs et nos différences, au sens très marxiste et capitaliste du terme finalement, qui exploite un autre type de force de travail. Je vous mets en lien du coup un article d'Eve Gardien. Et voilà, je trouve que tous les outils que Margot a apportés, que ce soit sur le plan de rétablissement, le plan de crise conjoint, les directives anticipées, sont autant de chances qu'il nous faut relayer, parler entre nous et démocratiser. Et j'espère que ça ouvre pas mal de pistes et d'horizons pour beaucoup d'entre nous, cette conversation. D'autres suivront dès que j'aurai le temps de faire les interviews et le montage et la diffusion. Voilà. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous en cet été insurrectionnel et plein de chaleur caniculaire. Et puis à très vite sur Au bord des corps. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? Everybody, everybody, everybody. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro el cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.